feux d'artifice, pluie de lumière, vertes fusées, rouges et violettes. La nuit explose de mille couleurs. On se réjouit, on crie joyeux. On se réjouit, on crie joyeux.